Nous saluons l'Église de Dieu vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu wetu amibariki sana. Je salue l'Église ici présente et tous ceux qui nous suivent de loin ou de près au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa iko hapa na wale wote wanatufuata mbali mu jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je remercie beaucoup. Namushukuru sana l'ancien mzee le pasteur pastori qui m'ont accordé la grâce de monter en cette fière. Bale walinipatia neema ya kupanda kui mimbari pour prêcher sa parole. Jia kubiri neno la Mungu. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ababariki sana. Et qu'il bénisse tous les enfants de Dieu. Na abariki batoto ya Mungu bote. Il se pourrait ninawezekana que peut-être ça soit la dernière fois sa zingine njo mara ya mwisho de voir mon visage au milieu de vous. Ya kuona uso yangu katika je ne dis pas que je quitte demain ou le lendemain. Mishi sema sema mita toka kesho wala kesho yake. Mon programme dépend du pasteur. Mapu yangu inamwangalia pastori. Mais je sais. Alakini mina jua. Que dans le monde où nous vivons. Mui dunia tukunaishi. Il y a des surprises. Kukuma mshituko. Il y a d'incertitude. Na amuna akikisho. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi. Jo kwa mana. Ce thème que nous écoutons aujourd'hui pour la dernière fois, Ishina maubiri tukunasikia leo juu ya mara ya mwisho, que cela m'aide moi, inisaidie mimi, et ça aide mon bien-aimé frère et sœur, inisaidie mupendo wangu ndugu na dada, à comprendre qu'il y a quelque part quelque chose pour lequel nous combattons. Aelewe ya kwamba kuko fazi fulani kitu kinye kile tukunakombania. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Aujourd'hui, je mettrai fin à ce que je parlais à cette église. Leoi tashimamisha binyena alikuwa nasema kui kanisa. Je ne pourrai pas dire directement j'amène vos salutations, non. Siwezi, je suis encore au milieu de vous. Siwezi tena kumilomba ma salamu yenu kwani ningariki pamoja na wewe. Mais je remercie toute l'église. Alakini mina shukuru kanisa mzima. De tout ce que vous avez fait pour moi. Jua ile yote mulinifania. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'ai été protégé contre le froid. Nalilindwa ku baridi. Ici. Humu. Et que le Seigneur puisse vous bénir richement. Na Bwana Mungu amibariki sana. Nous nous levons. Tout à si, maman. Deux rois, chapitre 6. Rafal me wapiri sura sita. Nous commençons toujours au verset 12 et nous descendons. Nous tanziamu sara kuminambili na kushuka. L'un de ses serviteurs répondit. Mumoja watumishi wake akajibu. Personne au roi mon seigneur mais Élisée le prophète qui est en Israël. Hakuna mtu mfalme bwana wangu lakini Elisha mwenye nabii mwenye kwa kule ku Israeli. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Je ndio kuna muonesha mfalme wa Israeli maneno yale kuna sema mchumba yako ya kulala. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. Na mufalme akasema mwendeni mutafute pale eko na mimi nitatuma watu bambambe. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Bakakuja kumwambia tazama eko kule ku Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Akatuma bampunda magari na kundi mkubwa ya jeshi. Qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, na huyu mtumishi akamwambia mtu wa Mungu, ah mon Seigneur, ah bwana wangu, comment ferons-nous? Sasa tutafanya je? Il répondit, ne crains point, akamjibu siogope kitu, car ceux qui sont avec nous sont un grand nombre que ceux qui sont avec eux. Kwani wale tuko nabo ni ba mingi kushindia wale wako nabo. Élisée pria et dit, Elisha akaomba na kusema, Éternel, wa milele, ouvre ses yeux, umfungule macho, pour qu'il voie. Jua apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Akaona mulima yenye kuyana, bampunda na magari ya moto yenye kuzunguka Elisha. Nous prions. Tutaomba. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons merci. Bwana Yesu Kristo Mungu wetu tunasema asante. Qui nous a donné une bonne journée aujourd'hui, le dimanche. Les seuls bénéfices que nous avons dans la journée, c'est celui de venir t'adorer. Sois avec nous, Seigneur. Travaille au milieu de nous. Convainc-nous, Seigneur. Parle-nous, notre Dieu. Nous voulons quitter ici disant, nos cœurs n'ont-ils pas brûlé lorsqu'ils nous parlaient? Commence avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous te demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de passer au message, je vais chanter un cantique peut-être de trois couplets ou trois, je crois. C'est un cantique Kiluba. Nous avons une manière de chanter qui est peut-être différente de ce que l'on chante ici. Que Dieu vous bénisse. Kio kulupile ikika o kamashia krishitu ke kujiungi mukwabo enka yesu molo keswa nimene taji krishitu. Mon ces gens qui chantaient étaient quelques-uns des nôtres. Ils ne le voyaient pas. Mais ils ont dit, nous nous tenons sur lui. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet se regardant sur l'invisible. J'ai dit que nous allons commencer par ce héros de la foi, Job. Job est passé par des moments que là où vous et moi, nous n'avons jamais passé. Yobu alipita mumanyakati mule weye na mia tu ya pitaka. C'est ce que nous avons dit. Njo ile tulisoma. Même ses serviteurs qui les servaient. Hata batumishi barikuwa na mutumikia. Il pouvait les appeler. Awezi kubaita. Et ils ne répondaient pas. Na awakwanze tena kumujibu. Il est passé par une vie très amère. Alipita mumaisha moya ya buchungu sana. À la fin de sa vie. Kumwisho ya maisha yake. Presque à la fin de sa vie, il a dit, je sais. Amen. Malgré toutes ces choses, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne les voyait pas, mais sa foi le voyait. Lisons un peu cela. 23 jusqu'à 27. Yobu sura makumi mbili na tatu. Non, 19, 23 jusqu'à 27. Pana, ni Yobu kumi na tisa. Nous lisons. Makumi mbili na tatu. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Oh, mina penda misemo yangu bapate kuyandika. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Bapate kuyandika mu kitabu. Je voudrais qu'avec un burin de fer. Mina penda na chuma ya nchongo. Et avec du plomb. Na chuma kupopola na kiabusito. Elle fisse pour toujours gravé dans les rocs. Bapate kuichongola kwa lote mumwamba. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Na lakini mina yasema mukombozi wangu ni mzima. Et qu'il se lèvera le dernier. Na atalamukaka wa mwisho. Sur la terre. Pa dunia. Kama po. Ata wakati ile ngozi yangu sera détruit. Titaribika. Il se lèvera. Lakini yeye atalamukaka. Quand je n'aurai plus de chair. Wakati ile mista kwa tena na mnofu. Je verrai Dieu. Tamuonaka Mungu. Je le verrai. Tamuonaka. Et il me sera favorable. Naye atanikubali. Mes yeux le verront. Macho yangu itamuona. Et non pas ceux d'un autre. Hapana macho ya mtu mwingine. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Yangu, na ndani yangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voilà ce que doit être un chrétien. Jo kile mukristo anapashu kuwa. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore quitté la terre, wakati yote ile atuya toka pa dunia, il y aura des situations très difficile et très compliqué dans la vie. Dieu laisse des choses impossibles arriver pour que l'homme échoue et pour que Dieu lui seul entre à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Regardez la foi de cette sœur-là qui a dit, même si je meurs, que mon corps seulement aille là où il y a l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et quand Frère Branham a prié, il s'est tenu sur la déclaration de cette femme. Que Dieu vous bénisse. Il a réclamé sa vie. Et la vie de la femme est rentrée. Que Dieu vous bénisse. Job a dit, je sais, même quand je n'aurai pas de chair, celui qui parle, ce n'est pas la chair, c'est la personne qui vit dans cette chair. Amen. Amen. Et chaque sœur et chaque frère, c'est lui que nous voyons. C'est nous qui le voyons. Mais lui-même se trouve là à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, mon frère, chaque personne ici présente, vous n'êtes pas autre chose que ce que vous êtes dans votre cœur ce matin. Qui peut vous éprouver? Ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. C'est Dieu qui me connaît. Et vous-même, vous vous connaissez. C'est pourquoi chaque personne peut savoir que même si je descendais dans la tombe, je le verrai. Pourquoi? Il n'y a pas une chose qui fera obstacle à ma vie. Que Dieu vous bénisse. Job l'a déclaré. Très prochainement, il l'a vu. Que Dieu vous bénisse. Il l'a vu. Nous allons voir cela presque en bas ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de gens tels que David, nous avons parlé de lui. Aujourd'hui, nous y avons ajouté Job. Nous avons parlé de Daniel. Il y a même des femmes qui se tenaient solidement sur les dieux invisibles sont ici dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Quand Marie a entendu l'ange Gabriel lui parler, elle a seulement posé une question. Comment les choses se feront-ils? Parce que je ne connais pas d'homme. Et l'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son or. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous savez quelle était la réponse de Marie? Ah, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon tes paroles. Selon la parole que tu as prononcée. La foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est croire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quand elle a prononcé ces choses, l'ange a compris que le Dieu créateur va entrer dans ce monde par cette femme qui a crié. Et l'ange a quitté. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons lire la Bible, quelquefois nous tremblons. Le même âge a parlé à une jeune fille, mais qui a cru. Le même âge est allé visiter Zacharie. Que Dieu vous bénisse. Un homme de Dieu. Un homme qui connaissait les Écritures. Il est allé lui parler. Et cet homme a dit, j'ai besoin d'un signe. Tu as besoin d'un signe. Tu n'as pas cru à la parole. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te dire ces choses. Comme tu as besoin d'un signe, reste d'abord mioué. Que Dieu vous bénisse. Et cela s'est aussi accompli. Voyez. Voir n'est pas croire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont crié. Pour montrer que Marie a crié, elle n'est pas restée. Elle a quitté. Elle est allée dans les montagnes pour trouver Elisabeth. Parce que l'ange lui avait dit, Elisabeth, ta parent, Elisabeth, elle est aussi dans son sixième mois. Quand elle est entrée là-bas, oh mes bien-aimés, la profondeur appelle toujours la profondeur. Quand elle est entrée là-bas et qu'elle a salué Elisabeth, Elisabeth a dit, ce n'est pas possible. Comment cela m'est permis que la mère de mon Seigneur vienne me saluer, moi, dès que ta salutation a touché mes oreilles, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. C'était merveilleux. Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est un grand gaillard avec beaucoup de muscles. La foi ne regarde pas avec les yeux. La foi ne considère pas ce que nous voyons. La foi ne voit pas ce que nous touchons. La foi voit ce que Dieu a dit et ça s'arrête là-bas. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Quand le Seigneur est ressuscité, les femmes sont allées. Même les femmes l'aimaient. Que Dieu vous bénisse. Elles sont allées. Sont allées au tombeau. Ils ont trouvé un ange. Cet ange a dit. Lisons cela. Lisons dans Matthieu 28. Matthieu 28 d'abord. Le verset 6. Nous lisons ceci. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Amen. Jésus-Christ est venu dans le monde comme cela était écrit. Il a vécu comme cela était écrit. Il est mort comme cela était écrit. Et il est ressuscité comme cela était écrit. Maintenant, on leur dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et là, il y a un point. Là, je pourrais m'adresser peut-être à mes bien-aimés qui ont vraiment appris. Lorsque vous parlez, et lorsqu'une phrase vient, elle s'arrête sur un point. Je crois, ça nous dit que l'idée qui venait s'achever ici, elle en commence une autre idée. Que Dieu vous bénisse. Comme il l'avait dit, devait s'arrêter là-bas, qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Et c'est fini. Mais après tout, on leur a dit, venez, regardez. Que Dieu vous bénisse. Quand on a dit à Thomas, le Seigneur est ressuscité, lui voulait voir. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, Thomas venait, crois maintenant parce que tu m'as vu. Oh mon Seigneur et mon Dieu, il dit, tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans voir. Que Dieu vous bénisse. Et quand Jésus-Christ voyageait avec ses démaïos, il a dit, homme dont le cœur est là à croire, ce que disaient les prophètes. C'est pourquoi j'ai dit, la foi, ce n'est pas voir, ni entendre, ni toucher. La foi, c'est croire. Même la femme qui avait touché Jésus, elle avait la foi dans son cœur, disant, moi je vais toucher seulement son vêtement et je serai guéri. Elle s'avança avec foi, avec cette foi, et toucha son vêtement. Elle se retira et elle était guérie. La grandeur de la foi de cette femme a touché Jésus. Et Jésus s'est retourné. Non, il y a une personne qui m'a touché. Qui m'a touché? Mais vous êtes entouré par beaucoup de gens. Vous posez des questions, qui t'a touché? Vous êtes obligé d'être touché par beaucoup de gens. Non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a la force qui m'a quitté. Vous voyez. Si vous voulez, même aujourd'hui, tirez la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez seulement sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi tous ceux qui avaient la foi devaient avoir les yeux fixés sur quelque chose. Même aujourd'hui, nous devons avoir la foi. Nous ne croyons pas les choses que nous voyons. Vous croyez la parole, mes bien-aimés? Je vous pose la question. Croyez-vous la parole? Si vous croyez la parole, est-ce que vous la voyez? Mais vous l'entendez? Mais vous ne la voyez pas? Que Dieu vous bénisse. Et puis nous sommes descendus, nous avons touché la vie de Samson. Nous avons montré cet homme de Dieu. Malgré qu'il a été séduit dans la première partie de sa vie. Et puis il a reconnu cet homme. Quand il a reconnu cet homme, il a dit, je vais maintenant élever ma foi, voir celui qui m'a donné cette force, qu'il me pardonne et qu'il me retourne encore la puissance. Je vous ai montré que Samson, le but pour lequel Dieu l'avait suscité, c'était pour détruire les Philistins. Et vous, ici, le but pour lequel Dieu vous a appelé au salut, c'est pour détruire quoi? Colossiens 3, 8 à 9. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 3. Nous lisons le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Benye kujivula mtu wa zamani na matendo zake. Quand Dieu a suscité Samson, wakati Mungu alimlamusha Samsoni, ce que Dieu voulait, c'est que quiconque entendrait que Samson est arrivé, sache que l'homme fort est devant moi. Et tous les Philistins savaient que se tenir devant Samson, c'est la mort. Et il les craignait. Et vous, Dieu vous a suscité pour détruire les péchés. Mais la parole dans la dénomination n'a pas le pouvoir de détruire les péchés. Les dénominations garderont la parole mélangée avec les pensées des autres. Et quand vous mélangez vos pensées à la parole du Seigneur, Dieu n'acceptera jamais cela. Mungu hawezi kamwe kuikubali. Et cette parole, na ile neno, quand elle est hybridée, wakati unaichanga, elle n'aura pas la puissance haitakuwa na uwezo ya kuondosha zambi. Vous ici, moi hapa, lisons un peu une autre chose. Tusome kwanza kitu kingine. Jean 6. Yohane sura ya sita. Jean 6, verset 62. Yohane sura sita mstari makumi sita na mbili. Après avoir lu Jean 6, 62, nous allons lire encore Jean 3, 13. Kisha tutasoma tena Yohane 3, 13. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, na kama mukiona mwana wa mtu kupanda kule alikuwa mwanjo, c'est l'esprit qui vivifie. Roho je kunaleta bujima. La chair ne sert de rien. Mwili aisaidie kukitu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maneno nalimiambia iko buzima na roho. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lisons maintenant tusome sasa Jean 3, 13. Yohane sura 3 mstari 13. Personne, hakuna mutu, ne monte au ciel, hakuna mutu atamuonesha pandaka ku mbingu, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, isipokuwa ule alitoka mbingu, le fils de l'homme qui est dans les cieux. Mwana wa mtu mwenye kwa kumbingu. Verset 14. Msara 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, paka vile Musa alipandisha nyoka wa shaba, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Ninapashi hivyo hivyo tena na mwana wa mtu apate kupandishwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ces paroles que je vous ai dit, c'est Jésus qui parle. Yesu alikuwa nasema. Ces paroles que je vous ai dites, imaneno nalimiambia, sont esprit et vie. Iko bujima na roho. Ce sont les deux choses. Bitu biwili que vous ne pouvez pas désunir, séparer. Bila wezi kutenganisha. Et la parole, na neno, et l'esprit de Dieu, na roho ya Mungu, vous ne pouvez pas les séparer. Hawezi kamwe kubitenganisha. La vie éternelle, bujima milele, c'est l'esprit de Dieu, ni roho ya Mungu. La vie éternelle, bujima milele, se trouve dans la parole du Seigneur. Inapatikana ndani ya neno ya Bwana. Et la mort, na lufu, se trouve dans les péchés. Inapatikana muzambi. C'est pourquoi vous avez été appelé pour la vie éternelle. Maintenant, si la vie éternelle demeure dans la parole, parce que l'Écriture dit, la parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant, si vous êtes là, Dieu vous a suscité pour combattre les péchés. Voilà ce que sont les Philistins pour nous. Et Samson, Dieu l'a suscité pour combattre les Philistins. Bien qu'il avait été séduit, il avait reconnu, il s'était repenti. Il a abandonné cette voie. Il ne pouvait plus voir. Il a fixé le regard à Dieu. Et Dieu l'a écouté. Quand tu connais ce que dit la parole, et que tu fais autre chose, tu mets ta vie en danger. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si tu connais comment on se marie, kama unajua namna kanibana wanaka, tu te maries contrairement à la parole de Dieu. Unaoa munamna ya kipindu pindu na neno la Mungu. En danger. Manake unaweka maisha yako katika hatari. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et quand vous voyez un incroyant et un croyant ensemble, soit le croyant n'est pas véritablement croyant, soit l'incroyant veut devenir croyant. Parce que frère Branham dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ce que tu es. Quand il dit une chose pareille, l'œil de cet homme de Dieu regarde l'écriture qui dit, deux personnes ne peuvent pas voyager ensemble sans s'accorder. Que Dieu vous bénisse. Deux personnes, quand vous voyez une femme sainte et une femme pite, chaque fois côte à côte, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit c'est cette femme sainte qui veut devenir pite, ou soit c'est cette femme pite qui commence à être influencée par cette sainte femme. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les péchés, Zambi, c'est ça notre ennemi. Les péchés, c'est ça l'ennemi de notre foi. Les péchés, c'est ce qui vous fera obstacle. Nous allons voir ça. Lisons cela dans Premier Roi. Quand les choses ne sont pas à leur place, ta foi sera toujours ballottée. Imani yako itakuwa na wayawaya na yumba yumba. Lisons Premier Roi. Tusome Wafalme wa Kwanza. Chapitre 18. Sura yake 18. Commençons verset 22. Et Eli dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Elia akambia watu, ninabakia peke yangu katikati ya wanabii wa Mungu. Elia 450 prophètes de Baal. Na kuna kwa 450 ya wanabii ya Baal. Amen. Amen. Quand j'ai commencé ce thème, je disais, le combat que nous avons, c'est le vrai contre le faux. Nous allons d'abord voir cette pensée ici. Tutaona kwanza iwazo. Que l'on nous donne deux taureaux. Batupatie bangombe mbili. Les prophètes de Baal, un taureau. Banabia Baal, Ngombe moya. Moi aussi on me donnera un autre taureau. Na miye pia batanipa ngombe mwingine. Que l'on nous donne des taureaux. Na tupatie bangombe mbili. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Bachakule ngombe wabo moya. Qu'il les coupe par morceaux. Bamukate bipande bipande. Et qu'il les place sur le bois. Na bamweke yule ya kuni. Sans y mettre le feu. Bila kuwasha moto. Et moi, na mimi pia, je préparerai l'autre taureau ule ngombe mwingine, et je le placerai sur le bois na mimi tamweka pakuni, sans y mettre le feu. Bila kuwasha moto. Ici, apa, il y avait des choses. Il y avait les prophètes de Baal qui étaient nombreux. Mingi. Il devait avoir beaucoup de gens derrière mingi nyuma yabo. Et lui ici il dit, na huyu apa, Elia, je suis resté le seul prophète. Et prendront les taureaux. Et moi aussi je prendrai un taureau. Nous n'y mettrons pas les feux. L'Éternel lui-même viendra montrer atashuka kuonesha qui est à lui nani wake et qui n'est pas à lui nani wasipokuwa wake. Il est radi alibambia choisissez premièrement wewe mutangulie kuchagua. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham dit quelque part. Duku Branham anasema fazi fulani. Que le second choix. Ya kwamba kuchagula kwa pili. Est parfois meilleur que le premier. Kila mara inekalaka mzuri kushinda. Vous verrez Abraham avec Lot. Utaona Ibrahim na Lot. Il lui a dit choisis le premier. Alimwambia wewe utangulie kuchagua. Et Lot. Na Loti. A regardé avec les yeux. Aliangalia na macho. Il a vu la plaine. Aliona kiwanza. Et Abraham na Ibrahimu, connaissait que les gens de Sodome étaient les gens de mauvaise vie. Il a choisi alichagua ce qu'il pouvait voir il aliona na macho, là où il y aurait beaucoup de bénéfices. Et Abraham était là. Ibrahim na yalikuwa pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et les prophètes de Baal ont pris un taureau, ils ont coupé un morceau, ils ont fait le bois, ainsi de suite. Na vinginepo. Verset 24. Nous lisons en son temps. Puis ils invoquaient. Kisha wakaita, kisha muite, puis invoquez le nom de votre Dieu. Kisha muite jina ya Mungu wenu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Lakini mimi taita jina la wa milele. Le Dieu qui répondra par le feu. Ule Mungu atajibia kupitia moto. C'est celui-là qui sera Dieu. Ule ndio atakuwa Mungu wa kweli. Et tout le peuple répondit en disant. Na batu bote wakajibu. C'est bien. Ni mzuri. Elie dit au prophète de Baal. Elie a kambia banabia Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Muchakule ngombe wenu moya. Préparez-le les premiers. Mumutarishe moi ba kwanza. Car vous êtes les plus nombreux. Ju moi muko ba mingi. Invoquez le nom de votre Dieu. Na muite jina la Mungu wenu. Mais ne mettez pas les feux. Alakini mushiwakishe pomoto. Il prit les taureaux qu'on leur donna et préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, ils étaient courageux en disant Baal répond-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez plus fort, muombe na sauti ya nguvu, puisqu'il est Dieu. Juu, ni Mungu wenu. Il pense à quelque chose. Sa zingine kuna waza vitu bingine. Où il est occupé. Ah, ouais, kuna makazi yako nafanya. Où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et il criera haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées. Et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Que Dieu vous bénisse. Élie le regardait. Peut-être votre Dieu est là. Se repose. Peut-être il est allé quelque part. Crier à haute voix. Ils ont crié à haute voix. Il n'y avait rien. Maintenant, quand le temps est arrivé, Élie lui aussi a pris son taureau. C'est là où je voulais attirer l'attention de l'Église. Amen. Amen. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il a commencé par réparer l'autel. Il a fait toutes choses. Il a pris les 12 pierres d'après les 12 tribus des enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Il a mis en ordre. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Il a mis en ordre. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Il a mis en ordre. Tout. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui nous manque. Que Dieu vous bénisse. Ça manque à beaucoup de gens. Quand vous voulez quitter la maison, pour aller voir le pasteur dans son bureau, si vous êtes malade, mets-toi en ordre. Les péchés, c'est un obstacle. Les péchés, Zambi, c'est une mire construite entre Dieu et vous. Ni ukuta ile wanayenga katikati yako weye na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous arrangez votre vie. Unatengeneza maisha yako. Vous dites Seigneur. Unasema Bwana. Pourquoi ce malheur m'arrive? Dieu a nini yole na nifikia? Pourquoi cette maladie? Dieu a nini magonjwa na nifikia? Est-ce une épreuve? Eti ni majaribu? Ou est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Ni wapi pale na rikotola? Vous vous mettez en règle. Unatengeneza. Parce que la foi de la guérison ya kutunzwa, ne se trouve pas dans celui qui vous impose les mains. La foi se trouve en vous. Imani yo, inapatikana c'est, ndani à foi, c'est à toi d'arracher wenjo wa kutukunya les choses divines par la foi. Bitu ya Mungu kwa imani. Alors, bas. Il a fait toutes choses. Arifanya bitu biote. Mais quand il a prié, il n'a même pas fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voici la prière. Moneni vraiment maombi. Très abrégée. Mufupi sana maombi yake. Verset 36. Mstari ya makumi tatu na sita. Au moment de la présentation de l'offrande. Wakati ya kutolea sadaka, Élie le prophète s'avance. Élie nabii akakaribia. Et dit, na kusema, Éternel, wa milele, Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, le croyant, n'est-ce pas? Mwaminifu haina vile. Amen. Amen. Abraham le croyant. Ibrahimu mwaminifu. Éternel Dieu d'Abraham. Wa milele Mungu wa Ibrahimu. Abraham le croyant. Ibrahimu mwaminifu. D'Isaac, Mungu wa Isaka, un enfant né d'une manière particulière. Toto mwenye kuzaliwa mnamo na ya upekee. Comme on nous avait prêché ça ici. Paka vile bari tubiri. Et un enfant qui, na mtoto ile bari pata. On avait éloigné d'autres enfants. Bari peleka mbali watoto mengine. Afin qu'il reste seul. Ili abakie peke yake. Pour très bien hériter la promesse. Dieu a pas te kuiriti mzuri malako. Et c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant. Sasa. Il va plus loin, il dit. Anenda mbali na kusema. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, au lieu de dire de Jacob, il dit d'Israël. Anasema wa milele Mungu wa Abraham, Isaka na. Israël signifie Israel prince avec Dieu ensemble. Mufalme pamoja na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu a rencontré Israël, plutôt Jacob, Jacob l'a eu. Ils ont combattu toute la nuit. Et il a reçu d'arracher la bénédiction. Et son nom avait été changé. De Jacob en Israël. Israël qui signifie Israël manake, prince avec Dieu. Mufalme, pamoja na Mungu. Maintenant, ce prophète sasa kwa unabi, a dit alisema, Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, et Dieu d'Israël, na Mungu wa Israeli, que l'on fasse quoi? Bafanya nini? Écoutez. Musikilize. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Ya kwamba uko Mungu mu Israeli. Ça, c'était pour la gloire de Dieu. Et non pour la gloire du prophète. Il voulait que les gens reconnaissent que le Dieu qui mérite d'être Dieu ici en Israël, c'est l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et ensuite, Nakisha, qu'ils reconnaissent que je suis ton serviteur. Papa tena kutambua sema ni kumutumishi wake. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Na tena kwamba juu ndifanye vitu vyote kupitia neno lako. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant il a dit. Sasa anasema, réponds-moi, Éternel. Unijibu, Yehova. Réponds-moi. Unijibu. Afin que ce peuple reconnaisse. Ili aba bantu bapate kutambua. Que c'est toi, Éternel. Ya kwamba ni wewe Yehova. Qui est Dieu. Wenjo Mungu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Na ni wenjo utarudisha mioyo yabo. Et l'effet de l'Éternel. Na moto wa milele Yehova. Ikashuka. Et consuma l'holocauste. Na ikachoma ile zabihu. Et le bois. Na kuni. Les pierres. Na mawe. La terre. Na bulongo. Et absorba l'eau qui était dans la fosse. Na dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, wakati batu bote bali ils tombèrent sur leur visage et dit, bakanguka uso chini na kusema, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous voyez, unaona, c'était le combat. Ilikuwa ni vita. Le vrai bizuri contre le faux. Kumbanisha bibaya. Eli. Elia. Regardez à Dieu. Alikuwa anaangalia kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais il avait mis toutes choses en ordre. Selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait répondu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dans toutes les choses que nous faisons, si on pouvait seulement se poser la question, kama tungejiuliza tu ulipo, que dit la parole à ce sujet? Neno la Mungu nasema kunini pa hii mambo? On pourrait bien marcher. Je voudrais déménager. Napenda kuhama. Que dit la parole? Sasa neno la Mungu muima neno inasema nini? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je voudrais me marier. Ninapenda kuoa. Que dit la parole? Neno la Mungu inasema kwa nini pa hii mambo? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je voudrais faire ceci. Ninapenda kufanya hiki. Que dit la parole? Sasa neno la Mungu na sema kwa nini pa hii mambo? La parole vous guidera. Neno la Mungu takuongoza. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Que tu fais. Kile unaweza kufanya. Qui n'a pas de réponse dans la parole. Kia sipo kwa najibu mneno la Mungu. Si vous échouez vous-même. Kama ukishindwa wewe mwenyewe. Vous voyez les bergers. Uone mchungaji. Dite. Unamwambia. Bien aimé, je voudrais faire ça, ça et ça. Mpendwa, mimi napenda kufanya hiki na kile. Je n'ai pas trouvé quelque chose dans la parole. Mishipate ko kitu mneno la Mungu. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Sasa utanishauria nini? Il va vous donner la réponse. Atakupatia jibu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous devons fixer les regards à Dieu. Tunapaswa kumwangalia paka Mungu na macho. Quand toutes choses wakati bitu biote sont faites selon la parole de Dieu, binafanika kufatana na neno la Dieu Mungu, sera derrière. Mungu atakuwa nyuma ya ile kitu. Et si cela n'est pas selon la parole de Dieu, kama ile inafanika bila ne mapenzi ya Mungu, peu importe. Aizuru nini? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regardez. Tazameni. Aujourd'hui, Léo, il y a beaucoup de choses qui volent dans le monde. Si vous pouvez suivre minutieusement, vous trouverez que beaucoup de choses qui se passent ont été au commencement quand le Seigneur est venu dans le monde. Ils sont venus. Dis-nous, qui es-tu? Si tu n'es pas le Christ, vous voyez, unaona? C'était le commencement de cet esprit-là. Il croyait que Jean était le Christ. Et Jean l'a regardé. Lisons un peu cela. Tu y sommes quoi? Les fausses doctrines. Ma fundisho ya bongo. Ont commencé depuis très longtemps. Il y a un katangia zamani sana. Attendez, je n'ai pas peur. Musubiri kwanza. Attendez un peu. Kutayarisha. Commençons la lecture dans Acte 13. Matendo ya wamitume sura 13. 25 à 26. Acte des apôtres 13. Matendo ya wamitume sura 13, 25. Acte 13. Matendo ya wamitume 13. Lisons les versets 25 à 26. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les Kisha mimi kuku nakuja ule kuna kuja ule misi staili hata kufungula kamba ya viatu vyake. Maintenant allons dans Jean chapitre 1. Twende mu Yohane sura ya kwanza. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. Le verset 19 à 20. Mstari 19 na 22. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Tazameni ushuda Yohane wakati wa Yuda walituma toka Yerusalema bakuani na balawi pour lui demander, toi qui es-tu? Je kumuliza wewe uko nani? Il déclara, alisema, et ne le nia point. Asiukatale apana. Il déclara akatangaza qu'il n'était pas le Christ. Ya kwamba yeye asikue Kristo. Il lui dit, wakamwambia, et il lui demandait, na kisha wakamuuliza, quoi donc? Nini basi? Es-tu Eli? Eti wewe ni Elia? Et il dit, naye akasema, je ne le suis point. Mimi siko Elia apana. Es-tu le prophète? Eti uko yule nabi? Et il répondit non. Akajibu apana. Il lui dit, wakamwambia tena. Il lui dit alors, qui es-tu? Uko nani basi? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ili tupate kuleta jibu na bali bali tutuma. Que dis-tu de toi-même? Wewe mwenyewe sema uko nani? Moi, dit-il. Mie akasema, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Niko sauti ya ule kuna lalamika mujangwa. Aplanissez le chemin du Seigneur. Munyoloshe mapito ya Bwana. Comme a dit Esaïe le prophète. Paka vile Isaya nabi alisema. Il a identifié sa place dans la parole. Ala, aliweka fazi yake muneno la Mungu. Ces gens ont commencé à appeler Le prophète Jean, Jésus. Même aujourd'hui, les gens appellent Frère Branham le Messie. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les mêmes esprits. Un esprit va d'un âge à l'autre. Que Dieu vous bénisse. L'esprit s'est saisi d'un corps. Ça travaille dans cet âge-là. Quand ce corps meurt, ça s'en va dans un autre âge. J'avais compris cette histoire quand j'ai lu Frère Branham lui-même dans son message Apocalypse chapitre 5 où les serpents écrasés. Que Dieu vous bénisse. Même jusqu'à aujourd'hui, il y en a des gens qui croient comme ça. Il y en a des gens qui baptisent au nom de William Branham. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, je suis votre frère. Il dit encore, si quelqu'un venait avec un chèque de $1,000 na chèque ya $1,000 ou $2,000,000 voilà ya $2,000,000 il entre avec ça akaingia nayo peut-être il ne connaît pas prononcer les mots Josué et José sa zingine asijue kusema tamko Yoshua na Yusufu vous vérifiez que véritablement unachunguza kwamba kweli kweli c'est écrit $1,000,000 banandika $1,000,000 Frère Branham dit vous ne ferez pas attention autangarishisha à la personne là qui a ce chèque là autangarishisha ule mtu mwenye kwa na ile chèque vous allez faire attention à ce chèque qui là autangarishisha ni paka ku ile chèque iko nayo. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Premièrement, kwanza, vous allez dire utasema. Non, s'il y a un frère Josué, dira peut-être il s'agit de moi. Et le pasteur dira peut-être il s'agit de moi. Il faut vite vérifier. Quand ils vont trouver que véritablement c'est ce chèque, véritablement ça a $1,000,000. Ensuite, ça m'appartient. Ce n'est qu'après qu'il pourra maintenant s'intéresser à celui qui a amené cela. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham dit, ne faites pas attention aux messagers, faites attention aux messages. Faites attention à la parole. Que Dieu vous bénisse. Il dit, les messagers pourraient disparaître. Mais les messages ne disparaîtront pas. Mais maintenant, les gens que nous avons aujourd'hui, il y en a assez qui disent nous sommes déjà enlevés. Il reste les soulèvements. Ça, ce sont les mots des intellectuels. L'enlèvement que nous attendons, quand ça se fera, vous ne serez pas ici. Quand cela s'est fait avec Enoch, il a été enlevé et il n'était plus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes enlevé, malade, vous tirez la jambe. Ça, c'est quel genre d'enlèvement? Que Dieu vous bénisse. Enlevé, mais estropié, ça n'existait pas. Dans l'enlèvement, ça sera à la fleur de la jeunesse. Dans l'enlèvement, quand nous allons rencontrer celui qui est invisible, nous serons semblables à lui. Il viendra chercher une épouse sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle nous nous sanctifions. Raison pour laquelle nous confessons nos péchés. Raison pour laquelle nous croyons en lui. Car sans lui, aucun. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de la prédication de cet homme de Dieu qui a suivi notre frère Dimonekele Diazola. Ah, mukumbuke maubiri ya unduku wetu alifuata Dimonekele Diazola. Il nous a parlé de Jacob, Julia Jacob, là où il s'était reposé la nuit. Pale alipumzika kulala usiku. Il a dit qu'il avait vu une échelle. Alisema alionaka mungazi. Cette échelle reliait la terre et la gloire. Ile mungazi iliungana na dunia na mbingu. Cette échelle c'était qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ile mungazi ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Sans lui, bila yeye, le culte à Marie. Ibada ya Maria. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec ça. Hawezi kwenda nayo kumbingu. Je vous salue Marie. Na kuamkia Maria. Mère de Dieu. Mama wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et les gens sont sincères avec ça. Na watu wako na moyo wote. Ça, c'est la fausse doctrine. Ile ni mafundisho ya bongo. La dénomination. Zebu. A aucun âge. Amuna hata mkisazi moyo. Je n'ai traité avec la dénomination. Mungu ashia tumikaka na zebu. Dans la Bible. L'écriture que nous avons lue dans Rois, la fin de ces choses-là, c'était couper les têtes des faux prophètes. Et ils étaient morts. Et tout le monde avait reconnu que c'est Dieu qui est Dieu en Israël et que c'est Élie qui était le prophète en Israël. Les deux choses ne pouvaient pas marcher. Mais dans notre temps ici, c'est promis que ça serait sur cette terre et la vérité. Na ukweli, elle est les deux se ressembleraient tellement au point où mukimo, cela pourrait séduire les élites, même si cela était possible. A, kama mais alakini, ça ne sera pas possible. Alakini, un élite, c'est un élite. Pour échapper à cet esprit, restez dans la parole. Voilà la différence. Que Dieu vous bénisse. Ils ont fait tout. Ils se sont blessés. Ils ont sauté. Ils ont prophétisé. Ils ont fait toutes les pratiques religieuses. Sans foi. Sans mouvement. Et Élie a dit. Approchez-vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Approchez-vous maintenant. Mukaribie sasa. Il a commencé alianza par réparer d'abord na kutengeneza kwanza l'hôtel. Mazabu. Il a mis toutes choses aliweka kila kitu en ordre musawa selon la parole de Fuatana Dieu. Na neno la Mungu. Et quand il a prié, na wakati aliomba, il n'a même pas fait longtemps dans la prière atukufanya muda mrefu maombi que le feu est descendu na moto ilishuka et a consumé les sacrifices. Na, il teketeza zabihu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le grand secret. Siri munene. Mettons notre vie en ordre. Tutengeneze maisha yetu. Chaque jour. Kila siku. Nous devons mettre notre vie en ordre. Tunapashi utengeneza maisha yetu. Même avant qu'on prie pour nous. Hata mbele ya kutuombea. Même s'il y a un cas. Hata kama kuku magumu fulani. Que vous soyez seul. Ukiwa dada. Ou que vous soyez à côté du pasteur. Ukiwa ta pembeni ya pastori. Lorsque vous reconnaissez qu'en vous là il y a quelque chose. Wakati unatambua kwamba ndani yako mko kosa fulani. Sinon vous allez le souffrir seulement. Utateseka tu bure. Demain. Kesho. Il a trois cas. Unakuwa mambo tatu. Des gens qui doivent prier. Demain, il a encore 14 cas de personnes. la meilleure des choses qui donne des résultats durables, nous devons préparer notre vie, enlever tout ce qui n'est pas de tout ce qui est du diable en nous, chaque péché, chaque incrédulité, nous devons corriger notre vie. Même si tu as volé à Dieu, oui, Dio. Je connais quelqu'un quelque part. Minajua mtu mwafazi fulani. Dieu l'avait béni. Mungu alimbariki sana. Il l'avait béni dans les matériels. Alimbariki mbitu ya kimwili. Mais alakini, quand Dieu l'avait béni, wakati Mungu alimbariki, il l'avait oublié. Alimusabu Mungu. Eh, vraiment le Seigneur est bon. Hakika Bwana ni mwema. Il l'avait tellement béni. Alimbariki sana. Qu'il avait oublié de payer ses dîmes. Alisabu kulipa chekumi yake. Quand il avait oublié, wakati alisabu, un jour il est venu me voir. Siku moja kwa kuniona, pasteur, pastori, tout l'argent est parti. Feza yote na nienda. Je dis, frère, vous dites quoi? Unasema nini? Il dit, tout mon argent nasema, est parti. Feza yote na nisha. Parti où? Inenda wapi? Moi, apparemment, je le voyais qu'il a l'argent. Il dit, pasteur, il m'a coûté en aniona na yo. L'argent que tu me vois avec, c'est plus mon argent. C'est l'argent de mon beau-père. Il m'a coûté la bougie, nenda wapi. Mais tout cet argent que tu avais là, où est-ce que c'est parti? Pasteur, il n'a ni poté. Ça s'est dissipé. J'ai regardé. Nikangalia. J'ai dit, frère, est-ce que tu payes la dîme? Et tu n'as pas que chekumi. Il dit non, pasteur, pour être sincère, pastor, je ne fais pas de dîmes. Quand la Bible dit, vous êtes frappé par la malédiction, c'est la parole de Dieu. Quand vous ne le faites pas, vous appelez la malédiction vous-même. Et quand vous le faites, vous appelez aussi la bénédiction vous-même. Que Dieu vous. Les gens sont devenus trop intellectuels. Le grand secret avec Dieu, c'est le mot premièrement. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le grand secret. Les lecteurs qui lisent le message, prenez le message, les témoins. Frère Branham dit, vous vous réveillez, priez premièrement. Priez au milieu de la journée. Quand vous avez quelque chose, payez premièrement. Priez durant la journée et vous serez témoin. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez être témoin, là vous entrez à l'œuvre. Si vous voulez encore être témoin de la malédiction, là aussi vous faites ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que deux possibilités. Lorsque vous mettez du côté de Dieu, Dieu est obligé d'agir. Et lorsque vous l'abandonnez, lui aussi vous abandonne. Les deux choses, Dieu Mungu ne forcera personne. Mutu. Non. Apana. Il ne peut pas forcer la volonté de quelqu'un. Kukaza mapenzi ya mutu. Quand vous n'agissez pas, wakati ya utende, très bien, vous regardez. Mzuri nana kuangalia. Quand vous revenez, s'il vous plaît, il dit où il est revenu. Anasema ndio, moi aussi, je rentre à lui. Na mimi namurudiria. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et j'ai encore des minutes. Eti ningariki na madakika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant, sasa, tous ces hommes que nous avons énumérés depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament qui avaient le regard fixé sur l'invisible. Dieu est invisible, mais il est réel. Que Dieu vous bénisse. Quand même voir, vous ne le voyez pas, mais il est réel. Que Dieu vous bénisse. Quand Élie l'a demandé. Wakati Eli alimuomba. Seigneur, Buana, que ces gens reconnaissent. Aba batu bapate kujua. Quel est Dieu qui répondra par les feux? Ya kwamba Mungu ule atajibia kupitia moto. Sera le Dieu. Ndio atakuwa Mungu wa kweli. Maintenant il a prié. Sasa aliomba. Il a laissé les problèmes à ces dieux-là. Aliacha ile mambo mikono ya Mungu. Et le feu est descendu. Na moto ilishuka. Et tous les peuples ont dit. Na batu bote balisema. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yehova c'est l'Éternel qui est. Wa milele ndio Mungu. Si c'est lui qui est Dieu. Kama yeye ndio Mungu. Alors faisons disparaître les prophètes de Baal. Tondoshe ba nabii ba bongo. On les a coupés. Bariba katabichwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu ici. Mungu huyu. Dieu est sévère. Mungu yuko mkali. Envers les péchés. Mbele ya zambi. Dieu est sévère. Mungu yuko mkali. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Ne pensez pas que les prophètes de Baal. C'est une histoire. Ni mambo ya rishi. C'était des géants. Barikuwa ni bantu ya kweli. 450. 450 ya batu. Eli a dit. Na Eli alisema. Aucun d'eux n'échappe. Hata mmoja shikimi. S'il échappait même deux. Ils continueront avec des fausses choses. Batendelea na bitu bya bongo. Mubabambe bote. Saisissez-les tous. Et ils les ont arrêtés. Na bari babamba bote. On les a coupé les têtes. On coupait, on jetait, on coupait, on jetait. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, nous ne serions pas ici. Que Dieu vous bénisse. Nous ne serions pas ici. Quand le péché est entré dans le monde, le monde entier, il y avait une bribe du péché qui a enveloppé le monde. Et l'homme marchait avec tristesse. Il n'avait plus quelqu'un. Dieu, lui, était là. Sa propre loi pouvait dire. Sheria yake mwenyewe ilisema. L'homme doit mourir. Mtu anapasha akufe. Parce qu'il est devenu un pécheur. Juu anakuwa mtenda zambi. L'âme qui pêche. Nafsi ya elle doit mourir. Inapasha kufa. Et la sévérité de Dieu. Na ukali ya Mungu. Pouvait appuyer cela. Ilipasha kuyakikisha. Dieu est sévère avec les pécheurs. Mungu ni mukali mbele ya zambi. Obligatoirement il doit mourir. Walazima anapasha wakufe. Et la justice de Dieu, je suis derrière vous, il doit mourir. Et l'homme était là, se cachant derrière le buisson. Que Dieu vous bénisse. Oui, je suis ta propre loi. À moins que toi, l'Éternel, tu acceptes d'être un Dieu qui charge. Quand il a dit les jours où tu mangeras, tu mourras. Si tu les laisses vivre, alors tu es un Dieu qui charge. Que Dieu ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Et la sévérité de Dieu a dit, loin de toi l'Éternel, le péché ne peut pas s'approcher de toi. Regarde d'abord les créatures célestes et cache leur face pour ne pas voir ta sainteté. Mais cette personne qui a péché, si vous pouvez le ménager, ça, non. Moi, je suis ta propre sévérité. Et les problèmes étaient compliqués. Que Dieu vous bénisse. Et la justice de Dieu était là. Pour dire, toi Dieu, tu es le seul à être juste. À part toi, on ne peut pas parler de la justice. Et la bonté de Dieu observée. Ça observé. Que pouvons-nous faire? Sasa tutafanya je? Mon Seigneur, Bwana wangu. Je suis ta propre bonté. Mimi niko wema yako. Toi tu es un Dieu bon. Wako Mungu mwema. Et la miséricorde est la rema ya Mungu ilikuwa nayo. Seigneur, je suis ta propre miséricorde. Bwana mimi ndio rehema yako. L'homme a péché, c'est vrai. Mtu anatenda zambi ni bia kweli. Mais tu es Dieu bon. Lakini uko Mungu mwema. Ta bonté va de génération en génération. Wema yako kunadumu bizazi mbizazi. Tu es un Dieu miséricordieux, je connais. Mungu wa rema. Je suis ta propre miséricorde. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une manière et de trouver la solution? Et l'amour est intervenu. Dit, mon Seigneur, je suis ton amour. Mindjo mapendo yako. Tu Tu as créé l'homme à ton image. Picha yako. Vous ne pouvez pas penser. Et ici, apa, la loi était sévère. De l'autre côté, ingine, l'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Et Dieu était là. Na Mungu ya et l'homme s'est caché derrière utupu. Et sa femme ni na mke wake bote bila mavazi. Là, Adam était les mains sur sa tête. Mikono yake ilibamba kichwa. Oh Seigneur. Oh Bwana. Cette femme que tu m'as donnée. Ni huyu bibi ulinipatia. Et la femme était à ses côtés. Mwanamke naye alikuwa pembeni yake. Chérie. Mpendwa. Le serpent. Nyoka. Voyez, il n'y avait plus la solution jusqu'à ce que Dieu ne pouvait pas offenser la loi. C'était sa propre loi. Il ne pouvait pas offenser sa sévérité. C'était sa propre sévérité. Si Dieu ne peut pas être sévère avec les péchés, envers les péchés, les gens commettraient les péchés. Vous voyez, quand nous commettons les péchés, en tant que notre parent, il prend le fouet, il nous fouette. C'est ça son amour envers nous. Vous ici, vous frappez vos enfants. Quelquefois, l'enfant pleure. Il y a même le sang qui court. Pas la haine, mais l'amour, la correction. Que Dieu vous bénisse. Et alors, Dieu a dit, ma loi, ma sévérité, ma justice, je viens de trouver une solution. Que cet agneau innocent meurt à la place de cet homme. Comme une réponse temporaire. En attendant une solution définitive. Alors, la loi a dit, oui, mon Créateur, je suis ta propre loi. J'accepte qu'il y ait quand même la mort de quelque chose. Et l'agneau était mort. Que Dieu vous bénisse. C'est alors qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui circulait. Adam, où es-tu? Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris? Que Dieu vous bénisse. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nu? Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui a fait, m'en a donné, j'ai aussi. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu a vu la repentance. Adam était sincère. Dieu a dit, il a confessé ses péchés, il a fait un pas. Alors toi la femme, non Seigneur, le serpent m'a séduit. Dieu a dit, elle a dit la vérité, s'est déplacé. Toi le serpent, comme tu te tiens sur tes pieds là, tu vas ramper. Tous les jours de ta vie, tu vas manger la poussière. Et il a même compliqué les os du serpent. Même les hommes de science, ils peuvent chercher, ils ne trouveront pas cela. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et de les révéler. Quand Dieu cache quelque chose, il va cacher. Que Dieu vous bénisse. Et quand il vous révèle cela, il vous a révélé cela. Maintenant, tout ça, c'était une solution temporaire. Que Dieu vous bénisse. Il a immolé l'agneau. Le sang a été versé. Et c'est un sang qui était inférieur au sang de l'homme. Ça ne pouvait pas racheter l'homme. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que La question du salut mambo ya okovu était posée au ciel. Bari uliza kumbingu. Qui est dit ni nani ula nastahili de s'avancer ya kukaribia vers celui qui est assis sur le trône mbele ya ula nekala pakiti prendre les livres na kuchugua kitabu et rompre les sceaux na kuivunja miuri. Jean regardait. Yohane aliangalia. Il nous dit akanatuambia personne ne fit trouver digne hakuna hata mola nastahili kumbingu. Il a fixé les regards sur la terre il n'y avait personne hapakuwe mtu wa kustahili. Jean commençait à pleurer amèrement. Mais une consolation est arrivée. On ne pleure pas, Jean. Il y a le lion de la tribu de Juda. Celui-là a vaincu. Et quand il a regardé, il a vu un agneau qui était déjà immolé et qui s'est avancé, a pris les livres. Juste quand il a pris les livres, toutes les créatures dans les cieux, ils ont fléchi leurs genoux et ils ont dit qui est digne, qui est digne. Quand vous lisez dans les livres d'Esaïe, la Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Pendant qu'il viendra, s'ouvriront les oreilles dessous. Les boîtes sauteront comme un cerf. Que Dieu vous bénisse. Et quand Jean a prêché son évangile, étant déjà quelque part, il a dit, allez d'abord lui poser des questions. Et c'est lui. Est-ce que ou bien nous devons attendre quelqu'un? Maintenant, Jésus a dit, mettez-vous. Ils se sont mis. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les boîtes sautaient. Et il a fait beaucoup de miracles. Il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu ici et ce que vous avez appris. Quand ils sont allés raconter à Jean, Jean a dit, oui, c'est lui. Autant que moi, je descends et que lui croise. Car il ne pouvait pas travailler tous les deux ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est venu dans ce monde et qui nous a sauvés. C'est Dieu lui-même. Quand vous lisez Esaïe 35, verset 4, la Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Le sauveur, c'est Dieu lui-même. Et là, quand il était à la croix, il est mort, il a laissé son corps à la croix, il est descendu, vivant toujours. Il a dit non. J'ai un groupe de ceux de l'Ancien Testament qui ont fixé les regards sur l'invisible, qui regardaient, qui battaient. Que Dieu vous bénisse. Il a laissé son corps. Il est allé. Comme c'était le diable qui avait les clés partout. Il a entendu seulement, pendant que lui était à la croix, le diable pouvait prostrer. Oh, je l'ai eu. Où est votre espoir, Job? Celui que vous avez déclaré, le voilà à la croix. Il a entendu seulement une personne qui toquait avec autorité. Ouvrez! Quand il a tourné les dos, c'était lui la semence de la foi. Il a dit, vite donner les clés. Et il a donné les clés. Et d'un coup de pied, il l'a envoyé dans la vie. Et il a dit, je ne termine pas ici. Il est allé voir les incrédules du temps de Noé. Il leur a dit, celui-là, ce n'est pas Noé que vous avez jeté. C'était moi. C'était ma parole. Quand vous avez rejeté le message de Noé, c'était moi. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était un évangile, pas pour sauver, mais pour leur attester qu'ils avaient fait une erreur. Et puis, il a laissé ces gens-là. Il est allé. Il a trouvé ceux qui étaient au paradis. Quand il a ouvert, ah, Job a regardé. Job a kangali. Il a dit non, non, non, non, non. Anasema pana. Je disais quoi? Je disais, maka, même quand je n'aurai pas de chair, mais je le verrai. Le voilà. Il est venu. Anakuya. Et derrière Job s'est redressé les épaules d'Abraham, Abraham qui lui aussi a regardé Sarah Venente, l'homme là qui nous a visités au chien de Mamré, pendant que toi tu doutais, c'est celui-là. Et Sarah a regardé, Sarah oui, je le vois, c'est lui qui a découvert le secret de mon cœur pendant que je doutais ce qu'il parlait. Et ensuite l'un après l'autre, tous ceux de l'Ancien Testament qui ont fixé les regards sur lui sont sortis. Lisons un peu. Que Dieu vous bénisse. Disons dans Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, 51, nous commençons. Matthieu sura makumi mbili na saba mustari ya makumi tano na moja, tuanzie pale. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux. Tazama pazia ya hekalu ikapasuka mbipande mbili. Depuis le haut jusqu'en bas. Tangia yulu kufika na chini. La terre trembla. Na bulongo bukatetemeka. Les rochers se fondirent. Na miamba ikapasuka. 52. Makumi tano na mbili. Les sépulcres s'ouvrirent. Makaburi ikafunguka. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Na mili ya mingi ya watakatifu bale bali kufaka bakafufuka. Étant sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus, kisha kutoka makaburi mwakati ya kufufuka kwa Yesu, ils entrèrent dans la ville sainte. Bakaingia mumuji takatifu. Et apparirent à un grand nombre des personnes. Na bakaonekania bantu ba mingi. Tous ces gens étaient comme vous ici. Aba bantu bote barukwa samwe yapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Comme vous regardez à celui que vous ne voyez pas. Sa vile mungu naangalia kwa ule. Et aussi on regardait à celui qui ne voyait pas. Nabo bariangaliaka kwa ule abaona. Mais il voyait. Lakini bariamini. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais quand il est mort à la croix. Wakati alikufa kumusalaba. Les choses qu'ils ont déclarées. Bitu vile baritangaza. Les Shadraks qui disait, nous n'avons pas besoin, roi, de te répondre là-dessus. Notre Dieu viendra nous délivrer. Il ne le voyait pas, mais il croyait en lui. Néanmoins, ils sont allés entrer. Mais quand ils sont allés entrer dans la fournaise, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un grand miracle là-bas. Pourquoi les gens qui étaient là-bas, la fournaise extraordinairement chauffée, mais l'effet de la fournaise n'a coupé que les cordes sans endommager les sourcils et sans même endommager les vêtements. Vous voyez, Dieu Mungu est un Dieu de miracles. Ni Mungu wa miujiza. Et un miracle, na muujiza, c'est quelque chose qui n'a jamais lié et quelque chose qui n'aura jamais lié. Ni kitu kila ki afanikana, depuis tangia, que Moïse Musa est allé en Égypte, tangia Musa renda Misri. Il a changé l'eau en sang. Tous ceux qui sont en Égypte ne changent pas l'eau en sang. Depuis que Josué a arrêté le soleil, tous ceux qui vivent n'arrêtent pas le soleil. Ça, c'était ce que Dieu a fait avec Josué. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi Jokomano, nous croyons à lui. Tukunamuamini. Ce qu'il fera avec vous, il atafana weye. C'est autre chose. Ni kingine. Ce qu'il peut faire avec mon frère, il atafana nduku yangu. C'est autre chose. Na kio kitakuwa kingine. Les miracles de Dieu, miujiza ya Mungu, sont diverses. Iku ya mingi juste kachana le fait de changer votre vie. Kubadilisha tu maisha yako. Toi qui étais un menteur, mais aujourd'hui tu ne peux plus mentir. C'est un grand miracle. Que Dieu vous bénisse. J'aime ce miracle là sur moi que tout autre chose. Maintenant, quand ils sont ressuscités, je vais bientôt terminer. Notre Dieu, savez-vous qu'il est la même règle? Il est la mère aigle. L'aigle Taï a deux grandes ailes. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est notre mère aigle, il a deux ailes. Une aile, l'Ancien Testament, l'autre, le Nouveau Testament. Frère Branham explique que dans l'Ancien Testament, il y a des promesses qui sont infaillibles. Dans le Nouveau Testament, il y a des promesses qui sont infaillibles. Que Dieu vous bénisse. Il dit l'aigle, ses plumes sont fixées solidement sur ses œufs. Pourquoi c'est différent d'autres oiseaux? Pourquoi? Parce que c'est là que ses enfants tienne. S'il veut voler avec eux, il tend seulement ses ailes et ses enfants viennent, tiennent les plumes. Comme ça ne se détache pas, il est capable de voler avec eux. Que Dieu vous bénisse. Et les enfants ne tomberont pas. Parce que les plumes ne se détachent pas. Et les promesses de l'Ancien Testament. Et les promesses du Nouveau Testament. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Toujours infaillible. Maintenant, regardez. Tous ceux de l'Ancien Testament qui ont tenu à cela. Quand Christ est mort, il les a ressuscités. Et vous tous, qui tenait à cela, quand il viendra, il vous ressuscitera aussi. Que Dieu vous bénisse. Les problèmes, Dieu lui connaît ce qu'il fait. Nous devons seulement croire sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons. Nous fixons les regards à lui seul. Que Dieu vous bénisse. Parce que tous ceux de l'Ancien Testament, il ne les a pas abandonnés dans la tombe. Et tous ceux du Nouveau Testament qui seront en Christ. Même si tu mourrais, on te ronge dans l'eau. Quand il viendra, atakuja, tu vas ressusciter. Utafufuka. Ata unalungula moto. Même si tu es calciné, akubakie kintu. Inyarie kiresta. Quand il viendra, atakuja, tu vas ressusciter. Utafufuka. Le problème qui est là, mambo iko hako ni nini? Entrer seulement en Christ. Uingie tu ndani ya Kristo. Tout ce que nous vous disons ile ici, yote tuku na miambia le hapa, secret, siri, c'est seulement être en Christ. Kuwa ndani ya Kristo. Et l'entrée en Christ. Na kuingia ndani ya Kristo. L'obéissance totale. Utifu utende. À toute la parole de Neno Dieu. Lote la Mungu. Obligatoirement vous donne le droit d'entrer en Christ. Wa kulazimisha itakupatia ruhusa. S'il n'y a pas l'obéissance, kama hakuna utifu, croire, c'est entendre et obéir. Nakuti. Voilà celui qui croit. Jo ula na amini. Et que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki.